Deuxième livre des Chroniques, chapitre 9. Or la reine de Séba ayant ouï parler de la renommée de Salomon, vint à Jérusalem, pour éprouver Salomon par des questions obscures, ayant un fort grand train, et des chameaux qui portaient des choses aromatiques, et une grande quantité d'or, et de pierres précieuses, et étant venue auprès de Salomon, elle lui parla de tout ce qu'elle avait en son cœur. Et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle avait proposé, en sorte qu'il n'y eut rien que Salomon n'entendît, et qu'il ne lui expliqua. Et la reine de Séba voyant la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, les logements de ses serviteurs, l'ordre du service de ses officiers, leurs vêtements, ses échansons, et leurs vêtements, et la montée par laquelle ils montaient dans la maison de l'Éternel, fut toute ravie hors d'elle-même. Et elle dit au roi, « Ce que j'ai ouï dire dans mon pays de ton état et de ta sagesse, est véritable. Et je n'ai point cru ce qu'on en disait, jusqu'à ce que je suis venu, et que mes yeux l'ont vu, et voici, on ne m'avait pas rapporté la moitié de la grandeur de ta sagesse, tu surpasses le bruit que j'en avais dit. Ô que bienheureux sont tes gens, ô que bienheureux sont tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, et qui entendent les paroles de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a eu pour agréable, en te mettant sur son trône, afin que tu sois roi pour l'Éternel ton Dieu. Parce que ton Dieu aime Israël, pour le faire subsister à toujours, il t'a établi roi sur eux, afin que tu exerces le jugement et la justice. » Puis il donna au roi 20 talents d'or, et des choses aromatiques en abondance, et des pierres précieuses, et jamais il n'y eut depuis cela de telles choses aromatiques, que celles que la reine de Séba donna au roi Salomon. Et les serviteurs d'Hiram, et les serviteurs de Salomon, qui avaient apporté de l'or d'Ophir, apportèrent du bois d'algumim, et des pierres précieuses. Et le roi fit de ce bois d'algumim, les chemins qui allaient à la maison de l'Éternel, et à la maison royale, et des violons et des musettes pour les chantres. On n'avait point vu de ce bois auparavant dans le pays de Juda. Et le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle souhaita, et tout ce qu'elle lui demanda, excepté de ce qu'elle avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna, et revint en son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui revenait chaque année à Salomon, était de 666 talents d'or, sans ce qui lui revenait des facteurs des marchands en gros, et sans ce que lui apportaient les marchands qu'il vendait en détail, et tous les rois d'Arabie, et les gouverneurs de ces pays-là, qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit aussi 200 grands boucliers d'or étendus au marteau, employant pour chaque bouclier 600 pièces d'or étendues au marteau, et 300 autres boucliers d'or étendus au marteau, employant 300 pièces d'or pour chaque bouclier, et le roi les mit dans la maison du parc du Liban. Le roi fit aussi un grand trône d'ivoire, qu'il couvrit de pur or. Et ce trône avait 6 degrés, et un marche-pied d'or, fait en pente, et le tout tenait au trône, et des accoudoirs de côté et d'autre à l'endroit du siège, et 2 lions étaient près des accoudoirs. Il y avait aussi 12 lions sur les 6 degrés du trône de côté et d'autre, il ne s'en était point fait de tel dans aucun royaume. Et toute la vaisselle du buffet du roi Salomon était d'or, et tous les vaisseaux de la maison du parc du Liban étaient de fin or. Il n'y en avait point d'argent, l'argent n'était rien estimé au jour de Salomon. Car les navires du roi allaient en Tarsis avec les serviteurs d'Hiram, et les navires de Tarsis revenaient en 3 ans une fois, apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes, et des paons. Ainsi le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, tant en richesse qu'en sagesse. Et tous les rois de la terre cherchaient de voir la face de Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux lui apportait son présent, savoir des vaisseaux d'argent, des vaisseaux d'or, des vêtements, des armes et des choses aromatiques, et lui amenait des chevaux, et des mulets chaque année. Salomon avait 4000 écuries pour des chevaux, et des chariots, et 12000 hommes de cheval, qu'il mit dans les villes où il tenait ses chariots, et auprès du roi à Jérusalem. Et il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, et jusqu'à la frontière d'Égypte. Et le roi fit que l'argent n'était pas plus prisé à Jérusalem que les pierres, et les cèdres, que les figuiers sauvages qui sont dans les plaines, tant il y en avait. Car on tirait d'Égypte des chevaux pour Salomon, et d'autres choses de tous les pays. Le reste des faits de Salomon, tant les premiers que les derniers, n'est-il pas écrit au livre de Nathan le prophète, et dans la prophétie d'Aïja Silonite, Et dans la vision de Jédo le voyant, touchant Jéroboam fils de Nébat. Et Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis il s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit en la cité de David son père, et Roboam son fils régna en sa place.